23 observations présentent l'indicatif du verbe faire. Infinitif, il faut faire du sport. Présent de l'indicatif, je fais du sport. Tu fais de la natation. Elle fait du ski. Ils font de la voile. Nous faisons de l'alpinisme. Vous faites du deltaplane? Notez que du point de vue du son, les trois personnes du singulier sont identiques. Notez que « a-i » dans « nous faisons » est prononcé comme « e » dans « le » ou « de ».